Les marathoniens coréens ont regagné par train le 7 la patrie après le marathon international de Macao 2016 tenu à Macao, Chine. Rappelons que la marathonienne Kim Ji-hyun s'est classée première pour obtenir la coupe et la médaille d'or.